me lève, il est 15h, pas taf égale impôt, impôt, facture, pas thune, fracture, fracture sociale, socialement ennemi, ennemi, prison, prison égale tarmi, tu revois lambeau, lambeau. Petite meuf, michto, donc amour, mytho, poteau, zermi, zermi, big grave, stupeur, donc instinct, tumeur, le padré, absent, absent, scolaire, scolarité nulle, donc stopper dès la primaire, primaire, élection, dicton, réflexion, amour, déception, bébé, contraception, cité, misère, misère, violence, violence, verbale, prison, terminal, terminal, d'Orly, 9-4, City, Tupac, Biggie, Nessie, Missy, oui. Argent, beauté, beauté, problème, problème de confiance, donc confiance perdue. Ghetto, remix, remix du Yugo, réserviste, bonne mère, titulaire, Sako, Jaguar, prestige, prestige, musique, illégale, Bangkok, la puissance, Maroc, Maroc, danger, danger, pouvoir, pouvoir, folie, folie, urbaine, urbaine, l'état, meurtrier, d'état, l'avenir dans le fossé, je suis bon qu'à les crosser, je collectionne les trophées, j'arrête, j'en ai trop fait. Collez-moi un procès, percer c'est mon projet. Dans les idées t'as cramé, des idées entravées. Parler sans connaître, un centimètre de te la mettre. Je suis le meilleur, sois honnête. J'arrive comme une comète, sans appuyer sur cette motherfucking sonnette. Ma gueule, pas mon vieux, bien. T'as dit quoi là? Ouais, par contre, t'as entendu une émission de masse ou pas? Non, même pas une tirée ou quoi? Oh, l'enfoiré, attends, on l'appelle, tu vas voir. Ah, lourd. Allô? Ouais, je veux. Bien ou quoi? Ça va ou quoi? Ah, on est là, Pix, ça dit quoi? Oh, on est là, frère, ouais, j'ai que des bons retours pour titre. Ouais, la vérité, t'as pas le droit de faire des titres comme ça. Ah, le dernier que j'ai lancé là? On leur a fait mal. Ah frérot, je t'avais prévenu, hein. On essaie de faire du sale. Ouais gros, ça va ou quoi? C'est qui? C'est qui? C'est Metaflow. Oh Ali, va ou quoi? Aïe, t'as dit quoi? On te boit plus là? Non, je suis là, et gros, je suis enfermé au studio, faire du sale. Ça bosse, hein. Ah, ça bosse toujours, tu connais. Ah, hein. Bien vu, bien vu. On est tous d'accord, hein. Vas-y, gros, je te laisse, parce que là, je suis en cabine, je vais faire un dernier petit son, et je te rappelle, ok? Vas-y, je te passe un pic. Vas-y. Bon vieux, moi, comme on l'a dit, hein, je passe tout à l'heure au Just, et fais le son sale.